Journée de la formation professionnelle. Dans le cadre de la journée de la formation professionnelle, nous avons le plaisir d'accueillir également des jeunes apprentis et c'est au tour d'Estelle Jacquemet de nous rejoindre. Bonjour Estelle. Bonjour. Vous êtes apprentie dessinatrice en architecture. Alors une question se pose, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, quand on est jeune, quand on finit l'école obligatoire, on se dit je choisis la voie de l'apprentissage plutôt que les études ? Eh bien, on a déjà de la pratique. Ce qui est très intéressant, on voit vraiment, on travaille dans un bureau, on a déjà des confrontations avec des personnes adultes. On peut aller sur les chantiers, par exemple, dans mon corps de métier. Ce qu'on ne voit pas au gymnase, et donc si on veut intégrer une école d'architecture, par exemple, plus tard, on a déjà la pratique de l'apprentissage. En quelque sorte, Estelle, si on regarde vous aimez être active, on peut dire ça comme ça. Oui, j'aime beaucoup être au bureau et puis on a quand même un suivi aux cours, donc on a quand même on a quand même de la théorie et puis et de la pratique. En fait, théorie et pratique, vous avez les deux, le tout voilà, en un. Exactement, c'est ça. Vous avez choisi l'architecture. Pourquoi ce corps de métier? Qu'est-ce qui fait comment on choisit justement un métier tel que le vôtre? J'ai toujours aimé l'architecture et donc mon but c'est finalement de devenir architecte. Mais on peut très bien, par la voie de dessinateur en bâtiment, on peut très bien devenir technicien de chantier ou simplement rester dessinateur en bâtiment. Et du coup, c'est une alternative au gymnase. Vous êtes en dernière année d'apprentissage, si j'ai bien compris ? Avant-dernière. Avant-dernière année. Je passe mon examen l'année prochaine. D'accord. C'est sur combien d'années la dessinatrice ? 4 ans. 4 ans. Et avant de vous lancer dans cette aventure, j'imagine que vous avez dû faire des stages. Comment ça s'est passé? Est-ce que le choix était douloureux? Alors, il n'y a pas beaucoup de places d'apprentissage de dessinateur option architecture. Donc, j'ai fait plus de 8 ans de demande. J'ai fait beaucoup de stages pour au final avoir 3 ou 4 entreprises qui étaient d'accord de m'engager. Mais il faut avoir la motivation et puis on y arrive. Et puis, mais c'est pas un métier facile. Si un jeune hésite, s'il aime pas trop les études, vous l'encourageriez à prendre la voie de l'apprentissage? Ah, tout à fait. Et puis il y a quand même une partie d'études, c'est sûr. Il faut faire, il y a des cours, il y a des devoirs à faire à la maison. Mais c'est intéressant. Et puis, oui, c'est intéressant. Et puis on côtoie plein de gens. C'est un univers déjà plus adulte que celui du gymnase. Oui, tout à fait. On prend beaucoup de maturité, je trouve, en prenant la voie de l'apprentissage. Alors, si je vous dis alors heureuse, qu'est-ce que vous me dites? Ah oui, tout à fait, pleinement. Merci beaucoup, Estelle, d'avoir témoigné. Je vous souhaite tout de bon pour la suite. Merci beaucoup.